J'ai juste à voir ta tête, cousin, faut bien que tu payes tes dettes. Tout le monde a compris que t'étais dead. T'étais dead, c'était peut-être fait une bite dans la nuque ou dans la tête. Là, je vois que ça pète et c'est parfait. Me dis pas que tu souhaites faire un featuring. Ton disque d'or, je m'en bats les couilles, cousin, t'étais une victime à Fleury. Ne parle pas de mon pote dans tes couplets. Si t'es deux zigotes au bout, je vais te les allumer à coups de fusil. Je t'explique, là j'ai la tête et l'équipe qui c'est la bête. C'est le type, c'est la death sur le kit. Tout sur un guest, on l'équipe. Ma veste, elle est pure. Mon jazz, il est clean, personne n'est mou. Clic, clic, bandou, la zig sur du guindou. Petite pipe au bandou, chauffette, dis-moi, tu viens d'où. Moi, c'est brasse des fêtes, on casse des têtes, on brasse des têtes, on garou. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. Tiens, ton high de cesse et respire ti. J'suis venu te la mettre bim bim et pareil que t'y fais le tir. J'ai pas compris, dis-moi pourquoi tu fais le king. Pareil que t'as fait toutes les beats, c'est pour ça qu'on te fait qui. T'as fait quoi, à qui ou comment, reste assis. Maintenant c'est moi qui tiens les commandes, fais pas la caille, mais écarte. Remets tes collants, prends ta claque et tes cales ou j'te calme en te cognant. Yeah. J'te laisse derrière avec tes petites manières. Amélie Poulain peut pas tester avec David Banner. Dans la vie y'en a qui se tapent. Y'a les balles qui partent, c'est la dalle qui part. Les petits gars, va faire de la guitare, ouais. J'te laisse avec ton jus à limonade. J'suis sûr qu'avec toi en promenade ça serait de la rigolade. Alors fallait pas venir me casser les couilles. J'suis venu pour casser les côtes et pas pour clasher les clous de ficelle. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. Dans la street, j'ai vu des barrettes, des plaques et des délits. J'ai vu que le parc et les délits faciès. Les putes qui font les petites princesses. Moi, tous les jours, je repense aux stars. J'viens rire le cauchemar, j'mis devant la barre. J'avoue, j'fais ma star. Du fric, on en a pas. Donc tu me sers d'appât. On en a marre d'être sur la paille. Trimballer son partage dans un cabas. Tu t'es mis dans le caca, t'as pas remonté ta garde. Tu t'es mangé un coup de tête fatale sur un beat macabre. Tu t'assois à ma table, je sais pas si tu le mérites. J'm'en bats les couilles de faire un feat avec Amérie en Amérique. Dans le rap, j'suis imbattable. C'est prétentieux de ma part, mais c'est pas vous qui avez réglé mes contentieux, bâtard. Avant que je monte aux cieux, j'espère me repentir. Prêt à vie, dans la vie qui sait. On peut rebondir, des noirs, des blancs, des gueules métissées. Des queues métissées qui big, rap, baissent dans cette lâche et l'épicier, yeah. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, vous les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, pour les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, pour les gens. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On est méchant, méchant. On vise la tête et pas les gens, pour les gens. Chasse à l'or. Adès, Empa, Vicelle.